chansons emplies d'histoire. Aimer, c'est donner, recevoir, ne pas s'en vouloir. Laissons vivre nos sentiments. L'amour est meilleur quand on le sait seul et doucement. J'ai pourtant essayé de t'oublier. Mais aucun mot ne sortait pour dire le mal que j'avais. J'avais beau me mentir, me détourner, fuir, je tomberais à genoux, chérie, si tu me le demandais. Aussi fort, aucun diamant ne brille plus que tes yeux quand tu dis encore. Comment ai-je pu te laisser partir sans insister? Je donnerais tout ce que j'ai pour toi. Tu donnerais ma vie si ça ne suffit pas. Tu es resté éloigné trop longtemps. Si tu ne revenais pas, je mourrais à l'instant. Partager nos peines, nos sentiments.